Sortie culturelle. Cette émission vous est présentée dans le cadre de la course de la Cité Les Moilous, la course la plus urbaine à Québec. Une collaboration de la SDC Les Moilous, Défi.ca et CKRL. En direct de la 3e avenue, au coin de la 3e avenue et de la 12e rue, Dominique Girard avec vous pour les deux prochaines heures. C'est sortie culturelle à la course Cité Les Moilous. Température ce matin idéale pour la course. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Il fait environ 9 degrés Celsius. Bien du monde ce matin là, qui sont là au coin de la 3e et de la 12e la 3e avenue et la 12e rue, pardon. Nous aurons plusieurs invités tout au courant de l'émission, entre autres Daniel Rioux, qui est le fondateur là, de cette course Cité Les Moilous, et également Hugo Poulin, coordonnateur, un des coordonnateurs de l'émission. On aura différents exposants qui vont venir faire un tour de la compagnie Maple Tree et également de Namasté, qui sont nos voisins dans l'édifice de CKRL. Donc, tout ce bon monde-là, on va essayer d'avoir des coureurs aussi, des gens là, qui ont terminé leur course, qui vont venir nous jaser ça, comment ça s'est passé, comment ils ont vécu leur course. Donc, restez là, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, c'est sortie culturelle à la course Cité Les Moilous. On est de retour sur CKRL 89.1, c'est Sortie culturelle, la course Cité les Moineaux ce matin. Et là, j'ai des gens très dynamiques devant moi, puis là, je ne veux pas faire de jeu de mots boiteux, parce qu'ils s'appellent les Dynamites de l'École Saint-François. J'ai en ma compagnie la directrice Brigitte Trudel. Bonjour, Mme Trudel. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, un peu essoufflée encore de ma course. Oui, c'est ça. Ça fait combien d'années que l'école en tant que telle... Bon, vous êtes une école privée, c'est bien ça, Sainte-Foy? C'est une école privée en adaptation scolaire. C'est sa 56e année, l'école, donc ça fait très longtemps qu'elle existe. C'est une école qui accueille des élèves de plusieurs commissions scolaires, région 0312. OK. Et ça fait combien d'années que vous la faites, cette course-là? Les Dynamites, la course de Limoilou, je pense que c'est la 3e année, mais ça fait seulement que 4 ans que les Dynamites existent. Et là, j'ai deux athlètes devant moi. J'aimerais ça que tu te présentes. Ton nom, c'est? Charles. Charles, oui. Alors, Charles, comment on se sent après cette course ce matin? Là? On se sent bien. On se sent bien? Ouais. Quelle façon? Est-ce qu'on s'est pratiqué cette semaine? Est-ce qu'on a fait un petit peu... À tous les jours. Ouais. Ça donne le goût sûrement d'en faire là, dans les années futures, c'est sûr et certain. Hein? Ouais. Je vois ton visage, je pense que tu as eu la piqûre. Ouais. Et l'autre personne à côté de moi s'appelle? Jason. Jason. Et Jason, comment t'as trouvé ça, toi, ce matin? Épuisant. Épuisant? Ouais. Mais ça te donne quand même le goût quand même de le refaire, c'est sûr et certain. Ouais. Peut-être faire d'autres... je ne sais pas si, bon, il y a la course Cité les Moineaux, mais il y en a d'autres petits marathons ici à Québec. Bon, il y a les grands marathons qui s'en viennent. Exemple, en début d'été, il y a la descente royale. Est-ce que ça pourrait être des courses que vous pourriez participer aussi? Ben en fait, c'est pas la seule course qu'on fait dans l'année. Là. Alors, on en a fait une il y a deux semaines à Stoneham. Ah oui? Oui. On fait celle d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qu'on va faire aussi. La course déguisée, costumée sur les plaines. Oui, oui, oui. On fait la course du Père Noël. On a fait deux années le Grand Défi Pierre Lavoie aussi. En fait, là, on est vraiment... les Dynamites, on se pratique les midis. Alors, l'entraînement les midis à l'école. Et les fins de semaine, les parents véhiculent les jeunes, puis on se rejoint tous ici là, à des courses officielles. Là, c'est les 5 km. On fait des 10 aussi. Puis éventuellement, certains, dont William qui est avec nous, aimerait viser le demi-marathon. Wow! William, le demi-marathon, tu sais que c'est 21 km un demi-marathon. T'es prêt pour ça, toi? Oui, je suis très prêt. Juste à me pratiquer, mais oui. À date, c'est quoi ton record? Là? T'as-tu un record là, de course? J'ai juste de bas de mon temps, 25 minutes et moins. Avant, c'était 27 minutes. Hey, là, on voit comment on fait. Give me a high five, on dit en anglais. Là. Bravo, mon cher, félicitations. Ben merci. Ben merci beaucoup, Mme Brigitte. Ça me fait plaisir. C'est très gentil de votre part. Donc, je vous rappelle qu'on est au coin de la 3e avenue et la 12e rue. C'est la sortie culturelle à la course Cité les Moineaux. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. C'est sortie culturelle à la course Cité-les-Moiloux. Puis là, j'ai devant moi deux demoiselles, puis je suis fier parce que c'est des gens de mon ancien cégep. Moi, j'étais allé à Limoilou il y a ça quelques années. Chantal, la directrice, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, et Marie-Pierre, vous, vous travaillez aussi au cégep. Quel est votre rôle au cégep de Limoilou? Je suis coordonnatrice à la direction des ressources humaines. Et là, comment qu'on se décide, la directrice et la directrice des ressources humaines, de venir faire un tour, de venir faire cette course-là? Ça s'est décidé comment, là? Bien, c'est dans le cadre du programme Santé globale. On souhaitait vivre un événement, mais aussi être présent dans notre propre milieu. Alors, on a regroupé les employés. On est en tout 39. Wow! 39? Oui. Puis, en fait, les gens ont bien, bien répondu. Ça nous permet aussi de se maintenir actifs là, tout au long de l'année. C'est un objectif. En fait, on commence notre année scolaire avec ce bel événement-là de la course de la Cité de Moiloux. Puis je présume que vous passez un beau message aux étudiants en disant les membres de la direction vont faire une petite course, pourquoi pas nous autres aussi? Est-ce qu'il y a des étudiants là, qui se sont sentis interpellés par ça? En fait, on en a vu ce matin, mais c'est une équipe, les 39 personnes, ce sont les membres du personnel. OK. Puis c'est une occasion de se voir en dehors du travail, puis de voir un peu les gens à faire autre chose que dans leur fonction. Et là, est-ce que c'est la première fois que vous le faites cette année? Non, en groupe comme ça, c'est la deuxième année. Et je présume qu'on s'est donné le goût pour encore plusieurs années pour le faire? Assurément. Oh, c'est la tradition, oui. J'aime ça, la réponse encore. Bien, félicitations à vous deux, puis au plaisir. Peut-être, qui sait, si un jour je n'anime pas, peut-être qu'en tant qu'ancien étudiant, je vais aller participer avec vous. Parce que l'invitation est lancée? Oui, absolument. Ça me fera plaisir. Puis je vais inviter ma fille, parce que ma fille est rendue étudiante au Cégep de Limoilou maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Donc, je vous rappelle que vous êtes toujours sur CKRL 89.1, c'est sortie culturelle à la course Cité-les-Moiloux. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, c'est sortie culturelle à la course Cité-Limoilou. Peut-être vous donner quelques résultats là, du 5 km qui s'est terminé il y a ça environ, je pense, à peu près une quinzaine ou une vingtaine de minutes. En troisième position, le Dossard 5,75, Mathis Marcoux-Brochu avec un temps de 18 minutes 37 secondes. En deuxième position, le Dossard 381, Richard Fortin avec un temps de 17 minutes et 58 secondes. Et en première position, le Dossard 10,88, Teddy Segar-Igabir avec un temps de 17 minutes et 36 secondes. Alors, félicitations à tous ces coureurs et juste vous dire que dans à peu près 6 minutes environ, ce sera, on devrait peut-être l'entendre en ongle, le départ du 10 km là, qui va avoir lieu. Et à mes côtés, qui dit course, ben dit, veut pas, on n'a pas le choix de s'acheter des espadrilles, bien s'habiller, bien se préparer, du coureur nordique Jimmy Gobeil qui est avec nous. Salut Jimmy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Il fait pas chaud, mais on bouge un peu. Oui, on bouge un peu pour se réchauffer, effectivement. On court pas nous autres pour se réchauffer. Donc, non, on aurait peut-être dû finalement faire un petit 2 km au moins pour se réchauffer. Écoute, Jimmy, ça fait combien d'années que le coureur nordique est impliqué avec cette course-là, la course Cité-Limoilou? Avec Cité-Limoilou, c'est seulement la deuxième année. Okay. On est partenaire avec plusieurs événements dans la région, mais ici, deuxième année, puis on est toujours bien content d'être là cette année. Puis je présume que, tu sais, bon, oui, vous vendez des choses, oui, vous conseillez, mais le côté conseil pour les gens, là, puis, tu sais, je le sais, là, j'en ai fait quelques courses, là, je pense que la première gaffe qu'on fait quand on part un genre de petit marathon, c'est qu'on part, on veut partir beaucoup trop vite. Puis je présume que les gens qui travaillent chez vous doivent dire à ces gens-là, faites bien attention comment partir, comment vous entraîner, comment tu fais ça? Ben c'est ça, la différence d'aller dans une boutique spécialisée comme le Coureur Nordique versus aller dans une grande chaîne, c'est que on fait pas juste vendre un produit, on est là pour éduquer les clients aussi. Donc, on leur montre comment bien s'entraîner, c'est quoi le bon matériel, les erreurs à ne pas faire. On a des plans d'entraînement qu'on leur donne pour bien débuter la course à pied. Parce que pour nous, la course, c'est une façon de vivre. C'est pas juste un sport qui passe comme ça, puis on en abuse, puis un an plus tard, on n'est plus capable d'en faire. Oui, ben c'est ça, parce que souvent, les gens vont, je pense, avoir la piqûre, vont le faire une fois, puis là, vont se dire, ah, ben je pourrais peut-être le faire pendant toute l'année, parce qu'il y a même des courses maintenant en hiver qu'ils s'en passent, par exemple, sur les plaines d'Abraham. Fait que je présume que vous êtes là à l'année avec ces gens-là. Là. Oui, puis je te dirais que maintenant, avec tout le matériel qu'il y a de disponible, tout le monde peut courir, puis tout le monde peut courir à l'année. Il y a des bonnes chaussures d'hiver, il y a des vêtements qui arrivent du ski de fond qui sont chauds mais respirants. Puis courir l'hiver, ça demande un peu plus de matériel pour apprécier. L'été, une paire de souliers, une paire de shorts, puis on part, puis c'est parfait. L'hiver, pour apprécier, il faut être bien équipé. Tu dis l'équipement, d'ailleurs, les espadrilles, là, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même payer le prix pour avoir de bons espadrilles, mais si on recule dans les années 80, là, c'est plus le même genre d'espadrilles qu'on a maintenant. Là, c'est pratiquement rendu des pantoufles. Bien, je te dirais que là, contrairement aux années 80, où les souliers étaient à peu près toutes faites pareilles, maintenant, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui sont compensés par un peu plus de support, d'autres plus légères. Donc, on peut vraiment chausser tout le monde pour être bien puis apprécier la course à pied. Les souliers d'hiver, c'est là où il y a eu le plus de changements, d'évolution. Avant, la course était un sport qui était saisonnier, donc souvent l'été, le printemps, un peu l'automne, puis à l'hiver, les gens arrêtaient souvent de courir. Là, maintenant, la course est tellement populaire que c'est à l'année longue. Donc, les compagnons ont fait des efforts pour développer des bons produits pour chausser les coureurs l'hiver. Donc, il y a énormément de modèles. Toutes les bonnes compagnies offrent des souliers d'hiver avec un crampon qui est plus mou, qui ne va pas durcir, avec une membrane imperméable pour garder les pieds au chaud et au sec. Okay. Donc, on peut chausser bien les gens pour l'hiver. Ça reste quand même un modèle, je veux dire, de espadrilles qui va être quand même assez légère, là, léger pour faire la course. Là. Oui, c'est léger. Puis avec les nouvelles générations de membranes en Gore-Tex, les souliers restent souples aussi. Puis il faut savoir qu'un soulier d'hiver, c'est pas superflu comme achat. Puis on l'a pendant 3 hivers. Donc c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Là. Et là, je présume, c'est votre deuxième année, mais je présume qu'on va y aller encore pour plusieurs années avec cette magnifique course là, en plein cœur de Limoilou. Là. C'est sûr que pour nous, c'est vraiment le fun d'être ici. Puis oui, le courant nordique, c'est dans mon camp, mais c'est quand même à côté. C'est un naturel. Là. Puis c'est naturel d'être ici, puis on est une boutique qui est vraiment impliquée, donc on est content d'être ici puis de s'impliquer avec la cité Limoilou. Jimmy Gobeil, merci infiniment de ta collaboration, mon cher. Merci, bonne journée. Voilà, je vous rappelle que vous êtes sur CKRL 89.1, c'est sortie culturelle à la course cité Limoilou. Sortie culturelle. La course de la Cité-Limoilou, la course la plus urbaine à Québec. Le vote d'un collectionneur d'art, ou d'un éboueur, ou encore celui d'une prof de yoga.

Toujours sur les ondes de CKRL, je vous rappelle, c'est Sorties culturelles à la course Cité Limoilou. Et en face de moi, j'ai celui qui a fondé ça, Daniel Rioux, qui est avec moi. Salut Daniel. Salut. Comment ça t'est venu l'idée là, de un beau matin de dire, moi je fonde ça, la course Cité Limoilou? Parce que bon, il y a plusieurs courses à Québec, mais il n'y en avait peut-être pas là, dans le centre-ville de Limoilou. Là. En fait, au départ, c'était l'idée de Nathalie, qui travaille chez... propriétaire là, de Yannick Fromagerie. OK, oui. C'est elle qui m'a appelé là, en avril 2013. Elle m'a dit « Hey, ça serait le fun d'organiser une course à Limoilou. » Puis là, elle en avait parlé avec la SDC par la suite. Puis là, la SDC nous a approché pour organiser l'événement, pour réaliser l'événement. Donc, depuis ce temps-là, on organise la course de la Cité Limoilou. Puis, ce qui est le fun, c'est que je pense que là, dans les prochaines années, vous allez gagner en ampleur, vous allez surfer sur un peu la popularité parce que, bon... Vous avez des compétiteurs qui sont pas nécessairement des compétiteurs. Je pense, entre autres, exemple à Je cours Québec, ouais. qui sont maintenant rendus également ouais. du côté de Limoilou. Ouais. Il y a une course aussi qui se passe en ville en début d'été, comme la descente royale du côté ouais. de Beauport. Ben, je présume, vous voyez la popularité grandissante de ça. Pierre Lavoie aussi, exemple, ouais. c'en est un autre bel exemple. Puis vous dites en vous autres, ben pourquoi pas encore continuer dans les années futures, là, carrément. Là. Oui, exactement. Je pense que ce qui distingue peut-être la course de la Cité Limoilou, qu'on a ajouté dans les dernières années, c'est l'aspect art et course. Oui. Fait que d'avoir une perspective différente sur un événement de course à pied, je trouve que c'est intéressant. Ça donne une saveur différente. Puis ça se prête vraiment bien au milieu vraiment urbain de Limoilou. Ouais. Ici, là, c'est tout se passe sur la 3e, la 2e puis la 12e rue. Fait que c'est vraiment intéressant comme parcours. C'est plat, c'est facile. C'est une belle période de l'année, mais en plus, on rajoute une petite saveur artistique là, avec des jongleurs puis des artistes du cirque cette année. Ben, je présume que vous allez la continuer dans, ouais. dans les années futures. Il va y avoir des choses ouais. différentes peut-être dans les années qui exact. Vont suivre. Exact, on a un plan quinquennal. Ah, ben c'est bien ça. On espérait qu'il fonctionne mieux que celui de Marc Bergevin. On va le souhaiter. Ben, Daniel Rioux, je sais que tu es pressé, tu as d'autres choses à faire. Merci infiniment de ta collaboration. On va vous souhaiter un bon succès là, pour les années futures. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Voilà, c'était Daniel Rioux, lui qui est fondateur là, de cette course Cité Les Moileaux. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 en direct, justement, au coin de la 3e et de la 12e rue, de la 3e avenue de la 12e rue. Venez faire un tour, venez nous voir. Il y a des exposants aussi. Venez voir les exposants, ça vaut vraiment la peine. Donc, on est là jusqu'à 11h sur CKRL 89.1. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1, c'est Sortie culturelle, la course Cité Limoilou, située en plein cœur de la 3e avenue. Et en face de moi, j'ai le président de la SDC, Sébastien Chamberlain, qui est avec moi. Bonjour Sébastien. Bonjour, je suis le directeur. Oh, directeur, président, c'est le même titre, c'est pas grave. Écoute Sébastien, ma première question, pourquoi une course dans une artère qui est complètement commerciale? Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça va peut-être enlever des gens au commerce, ou au contraire, ça va peut-être en attirer plus. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Bien, le fait d'être tôt comme ça le dimanche matin, on pense ne pas nuire à personne. Oui. Puis en même temps, on veut voir les gens du quartier sortir dans la rue. Puis il y a beaucoup de gens qui participent ce matin, qui vivent ici. Hein? Et ça fait partie de notre mission aussi, de travailler avec les gens du milieu et finalement les citoyens. Et peut-être aussi en attirer d'autres, parce que peut-être je me mets à la place d'un coureur qui ce matin dit « Ah, il y a tel ou tel commerce, il y a le temps de jeter un coup d'œil puis de voir tel ou tel commerce, donc ça vous fait connaître aussi. » Oui, oui, oui. Lièvre et la Tortue, juste à côté, qui est en plein milieu de la course, je pense qu'il bénéficie d'une belle... Une belle vitrine. Une belle vitrine, effectivement. Carrément. Là. Puis il y en a des commerces ici, c'est la 3e avenue, là. C'est pas ça qui manque. Effectivement. Et là... Vous, là, c'est la première année que vous êtes impliqué? Ça fait combien d'années? Non, on est là depuis le début. C'était même avant que j'arrive en poste, avant 2015. Moi, je suis là depuis 2015. C'est ma quatrième course. OK. Donc, c'est. Je cours pas, mais c'est ma quatrième course. Est-ce que ça donne le goût, peut-être, une année là, de le faire, là, vu que ce matin, là, il fait un petit peu frisqué? Ouais, j'aimerais ça. Il va falloir que je me motive, là. Mais un jour. Il faudrait peut-être pas te prendre de paris là-dessus, par contre. Là. Ben, Sébastien, un gros merci. Puis on va souhaiter longue vie à cette course Cité Limoilou. Donc, carrément en plein cœur de Limoilou, puis ça peut être encore plus positif pour les commerces qui est ici, ben pourquoi pas, on va le souhaiter. Merci beaucoup, Sébastien. Ben, merci, bonne course. Bonne course, merci. Bye. On est toujours sur CKRL 89.1, c'est l'émission spéciale dans ce dimanche matin légèrement frisquet, sortie culturelle, donc les défis Cité-Limoilou. Une belle course jusqu'à date, on a déjà complété les 5 km, le 10 km, le départ, vous l'avez entendu sur nos ondes, a été donné aux alentours de 9h33. Et en face de moi, j'ai Hugo Clermont, qui est un des coordonnateurs de cette merveilleuse course. Salut Hugo! Salut, Serge. Non, Dominique. Oui, mais je t'agace parce que tu m'as débaptisé tantôt. Il n'y a pas de problème, mon cher. Salut, écoute, Dominique. Hugo, comment on devient coordonnateur? Qu'est-ce que ça fait un coordonnateur? Ben, vous êtes plusieurs, tu es une équipe de plusieurs personnes. Ben, je ne veux pas répondre à la place de Daniel. Daniel qui est Daniel Rioux. Oui. Pas de X, précisons-le. Un Rioux, pas de X, c'est la grande famille des Rioux. Ils sont tous d'abord des coureurs. Fait que, moi, je te dirais que la première chose, c'est d'aimer la course. Premier item, le prérequis pour organiser des trucs comme ça, c'est d'aimer la course. Deuxième chose, d'aimer l'événementiel, aimer les risques, avoir des idées. Puis aussi être à l'aise avec le slashing. Tu sais, les slasheurs, okay. Les temps modernes ont fait en sorte que l'expression slasher est née. Là, c'est des gens qui font plein de choses, s'impliquent dans plein de trucs. Donc, c'est graphiste, slash, poseur de compte, slash, créateur de concept ou directeur de course. Moi, ce dont je suis le plus fier en ce moment chez le groupe des filles, c'est ça. C'est qu'on est tous des slasheurs, puis on aime se mettre le nez dans tout ce que un puis l'autre fait. Ça fait en sorte que ça crée des trucs qui sortent de l'ordinaire, puis qui apportent des grands risques. Je dis pas que ça va pas bien ce matin, mais on a tellement eu d'idées que tout mettre ça en parallèle, en jonglant avec... Hey, je fais un parallèle avec le cirque en jonglant. Oh. J'aimerais ça. Les jongleurs sont pas loin de nous, d'ailleurs. Un roulement de tambour. Ouais, je regarde en même temps, Josiane. De mettre ça en parallèle, de livrer ça, c'est toujours un défi de récupérer l'expression. Fait que c'est quoi un coordonnateur? C'est ça. C'est tout et rien à la fois. Puis... En plein cœur de Limoilou, là, cette course-là, je présume que c'est un naturel pour vous là, de faire ça sur la 3e avenue. Là. Il n'y a pas plus belle place. Je pense à Québec, on va vanter la place, là, mais c'est vrai. Oui. Ben, l'école de cirque n'est pas loin. Ouais. On a deux diplômés ici. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand on a eu cette idée-là en équipe de faire une thématique avec le cirque. La première personne que j'ai approchée, c'est le directeur de l'école de cirque. On nous a mis en contact avec des artistes qui sont impressionnants à voir, là, on le voit. Est-ce que c'est une bonne idée d'amalgamer ça à un événement de course à pied? Je continue de penser que c'est l'avenir des événements de la course à pied. On voit depuis plusieurs années, premièrement, il y en a plus, mais parallèlement, ça apporte des problèmes de nombre d'inscriptions. Les gens ont le choix. C'est un peu comme le magasinage. Ouais, dans le temps, ça. On avait un catalogue, c'était Sears. Puis on magasinait nos cadeaux de Noël avec le catalogue dans le divan avec papa. C'est la même chose en course à pied. Maintenant, il y a Amazon pour magasiner, il y a un paquet d'autres trucs. Ben, en course à pied, on a tellement d'options. On a des courses à obstacles, on a des courses loufoques un peu. Faut vous démarquer parce qu'il y en a plusieurs courses maintenant à Québec. Dans chaque fin de semaine, c'est ça qui se passe. Incluant l'hiver maintenant. Oui. Fait que oui, il faut se démarquer. Puis un des plans de défi, c'est d'amalgamer des trucs à ça, colorer les événements. Puis là, vous êtes rendu à votre sixième année, là, cinquième, sixième année. Là, je présume que ça, on s'est demandé ça, moi et Sébastien. Je pense que c'est six. Sixième. Ouais. Et là, je présume que d'autres années. Tu dis d'amalgamer, bon, il y a le cirque l'année prochaine, mais est-ce qu'il y a un scoop? Est-ce que vous pouvez me dire ça va être quoi? Ou vous avez encore un brainstorming à faire d'ici l'an prochain? Il y a d'abord une réunion d'après-course, une okay. réunion d'après-événement qui va se faire avec les employés de défi. Je m'inclus là-dedans pour se poser la question. Est-ce que c'était une bonne idée? Comment ça s'est passé? Des choses qui sont béton pour moi, c'est le partenariat avec CKRL, le partenariat avec la SDC, le fait qu'on soit à Limoilou. Moi, je suis amoureux de Limoilou. Je suis venu au cégep ici. Ah, toi aussi? C'est difficile à expliquer, puis je n'ai pas envie de l'expliquer, puis je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis profondément amoureux de Limoilou. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ici? J'en suis convaincu. Et pour moi, là, tant que je suis là, c'est l'expression en anglais « over my dead body », pas question qu'on déplace cette course-là, puis il n'est pas question qu'on enlève aussi la thématique hors de la rue. Il faut peut-être la modifier, il faut la peaufiner. L'an dernier, c'était les Beatles, avec ce qu'on avait aussi comme budget par rapport à toutes les idées qui naissent semaine après semaine. C'était important d'amener de quoi qui sortait de l'ordinaire pas original. Cette année, on a le cirque. L'année prochaine, ce sera autre chose. Non, tu n'auras pas le scoop parce que je le sais même pas moi-même. D'accord, mon cher. Puis là, on voit ce matin, il y a des gens pour encourager. Il y a beaucoup de coureurs. Fait que le succès, il est là. Ils vont continuer. Puis comme tu dis, il y a d'autres courses à Québec. Donc, vous allez surfer là-dessus puis continuer à évoluer. Mon cher Hugo, merci infiniment de ta collaboration. On va souhaiter longue vie à ce bel événement. Merci, Dominique. Puis j'en profite pour saluer vos auditeurs, les remercier. Puis les remercier de CKRL, de la direction de CKRL, d'être là année après année aussi efficacement. C'est toujours un plaisir. Moi, j'ai eu la piqûre aujourd'hui. J'ai la piqûre pour les prochaines années, c'est sûr et certain. Ça donne-tu le goût de courir? Oui, je l'ai fait en début d'été, une autre course là, dans mon coin à Beauport. Je pense que oui, peut-être l'année prochaine, sûrement. Là, on va essayer de délaisser avec Jessica. Ben, de toute façon, c'est sur le tape, comme ils disent. Oui, c'est enregistré. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Trei copilașuri, nevastă. Țiganul lucra la mate și venea seara cam pe atât. Sortie culturelle. La course de la Cité des Moineaux, la course la plus urbaine à Québec. Vous avez le bassin fracturé puis un poumon perforé, mais vous allez vous en sortir. Docteur, quand ma blonde va être là, pouvez-vous dire que je me suis fait ça en skate? Vous ne voudrez pas que ça se sache, parce que tout le monde sait que c'est idiot de texter au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Laissez-vous impressionner par le souffle rebelle que Beethoven insuffla à son troisième concerto. Le pianiste français Cédric Stébergen rend hommage à ce tournant radical qui marqua la carrière du grand compositeur. Ce mercredi 3 octobre à 19h30 au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. Nouveauté chez Slam Disc, les messieurs. Finaliste du cabaret festif, gagnant du combat des bands, les messieurs présentent leur premier album réalisé par Danny Placant. Maintenant partout, en magasin et en ligne. La 28e édition des rendez-vous Estrade de Québec du 4 au 8 octobre dans plusieurs salles de la ville. Mettant en vedette, entre autres, Yves Lambert Trio, les chauffeurs à pied, ainsi que des artistes de la Bretagne et du Pays Basque. Ce sont plus de 40 artistes porteurs de tradition qui se joignent pour offrir 5 jours de musique traditionnelle. Au programme, activités familiales, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, randonnées chantées, joutes chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. Le théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à la TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je le sais pas ce qui m'a pris. Celle qu'on pointe du doigt, du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. Lundi soir, compté de 20h, une édition spéciale d'Accès Pouvoir avec au microphone Jean-François Artaud et Luc Ferland, où on va comme ça vous suivre pendant toute la soirée électorale à partir de 20h jusqu'à 23h ou à peu près, avec l'ensemble des résultats bien sûr, mais de façon plus particulière de ceux de la grande région de Québec. On a bien hâte de vous y retrouver. C'est un rendez-vous lundi à compter de 20h. Sortie culturelle. Cette émission vous est présentée dans le cadre de la course de la Cité Les Moilous, la course la plus urbaine à Québec. Une collaboration de la SDC Les Moilous, Défi.ca et CKRL. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1. Dominique Girard avec vous jusqu'à 11h. C'est l'émission sortie culturelle à la course Cité Les Moilous. Et là, moi, avant que l'émission commence tantôt, j'ai pris de l'eau d'érable pure de la compagnie Maple Tree. Et j'ai avec moi Béatrice Landry qui est là. Salut, Béatrice. Oui, allô? Cette eau-là, là, c'est comment dire, c'est magique parce que, écoute, j'ai commencé à boire à 9h moins quart. Il est rendu quoi? Il est 10h et presque 2, là. Je ne l'ai pas terminé, ça c'est bon signe, ça veut dire que je la sirote et je l'aime. Ça donne quoi aux coureurs? Parce que tu sais, on est habitué de voir tous les Gatorade de ce monde, les boissons énergétiques. C'est quoi que ça fait de différent cette eau-là? En fait, ça agit à titre de Gatorade, okay, mais biologique. Okay. Fait que quand on fait du sport, on perd, oui, de l'eau dans notre corps, okay, mais on perd aussi des minéraux, des électrolytes. C'est dans les propriétés là, de l'eau d'érable qu'on vient chercher ça. Donc, c'est pas un booster d'énergie pour des marathons, par exemple. On vient vraiment viser l'hydratation du coureur. C'est ça, l'hydratation. Donc, c'est pas comme quand on va prendre, exemple, soit du Gatorade, comme tu viens de le dire, ou, exemple, à la limite, là, je vais le dire vite, là, du Red Bull, là, ça n'aura pas du tout la même intensité. Là. Ça va plus te revigorer carrément. Exactement. Ça fait combien de temps que ça existe, ça? Ça fait à peu près 4 ans qu'on a eu l'idée de commercialiser l'eau d'érable. Okay. Mais ça fait à peu près 2 ans là, qu'on a terminé la recherche et développement autour de ça. Okay. Donc, 1 an qu'on commercialise le produit. Puis, on est aussi en exportation en Chine, là, au Japon aussi. Ah, oui. Puis, on commence au Québec. Là. On a certains points de vente, donc certains GA, certains métros. Est-ce que vous faites le tour, justement, bon, là, il y a cette course-là ce matin, mais est-ce que vous allez être à des exemples au mois d'octobre à Je cours Québec? Est-ce que vous allez être avec ces gens-là? On travaille là-dessus. Okay. On a fait comme des demi-marathons, X-Men Race la semaine passée. Donc, de plus en plus, là, on participe aux événements. Et est-ce qu'on pourrait vous voir aussi, je sais pas moi, des événements sportifs qui sont plus, bon, exemple, avant des matchs de hockey, des matchs de football, je pense au Rouge et Or, exemple, est-ce qu'on pourrait vous voir peut-être apparaître à un moment donné sur pendant le tailgate, là, sur le terrain? Je sais pas, je suis en train de donner une bonne idée là, ce matin. Mais oui, exactement. Non, ça pourrait être quelque chose comme ça, là, pour vous faire connaître là, carrément. Là. Vraiment, ce serait une très bonne idée. Je vais en parler à mes collègues. Bon, ben, je demande juste 10% là, si jamais ça fonctionne. Mais donc, voilà. Et tu dis aux gens là, que c'est disponible. Là, quelqu'un qui nous écoute ce matin, c'est disponible dans les GA, mais pas tous les GA. Hein? Non, exactement. Sur notre site Internet, on a une carte géographique. Okay. Puis la personne a juste indiqué son adresse. Puis ça va lui montrer là, tous les magasins où il y en a qui sont proches de chez lui ou chez elle. Et là, on est en plein cœur de Limoilou, je présume qu'il doit y avoir quelque part, pas loin d'ici, là, un commerce là, qui en a. Est-ce que tu peux peut-être nous nommer un commerce là, qui en a un, pas oui, loin? Je sais que dans le secteur de Limoilou, on est au Alimentex, puis okay, au oui, IGA Joblin, je crois. Joblin, OK. Ben, oui, exactement. Parfait. Ben, Béatrice Landry, merci infiniment de ta collaboration. C'est super gentil. Puis moi, je souhaite longue vie à cette merveilleuse mixture de Maple Tree. C'est vraiment bon. Là. Tu diras à tes patrons, j'ai adoré ça. Bon, merci à vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, vous êtes toujours sur CKRL. C'est sortie culturelle, la course Cité Les Moilous. Thank you. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1, c'est Sortie culturelle à la course Cité-Limoilou. Et j'ai en face de moi une bénévole, Nancy Vézina, qui est là. Bonjour, Nancy. Bonjour. Comment on devient bénévole dans cette magnifique course, dans une course carrément comme ça? C'est quoi qui nous donne la piqûre de d'être bénévole? C'est comme un loisir, c'est même pas un travail. C'est... On a le plaisir de travailler. Puis tu sais, quand on est leader, là, ben on aime ça. T'sais, on l'utilise. J'utilise mon leadership. Puis est-ce que c'est une fierté? Je sais pas. Exemple, quand les coureurs arrivent, de les féliciter, ou au départ, carrément, de les diriger, de leur souhaiter bonne chance. J'adore ça. Puis, dans le fond, c'est que moi, j'accueille beaucoup les bénévoles, dans le fond. Puis, je les dirige, je dis d'aller où aller. Puis, j'aime ça les accueillir avec un sourire, tu sais, parce que c'est pas toujours le fun. Des fois, tu te dis, ça me tente pas vraiment. Pourquoi je me suis inscrit comme bénévole? Puis, finalement, quand ils arrivent, là, faut que je leur donne le goût, le pep. Goût, puis la fun. Puis après ça, ils trippent, ils adorent ça. Mais moi, l'autre question que je te poserais, il n'y a pas un danger peut-être d'avoir le goût justement de faire cette course-là? Il n'y a pas des années où ce que tu t'es dit, il me semble que l'année prochaine, je laisserai faire le bénévolat, puis je dirais aux gens, ben regardez, c'est vous là, qui allez prendre la relève, puis moi, je vais courir. Je l'ai déjà fait deux fois. Ah oui? Okay. Deux fois, c'est la course que j'adore le plus ici à Limoilou. Je le dis tout le temps, c'est mon best. Puis je fais beaucoup de publicité aussi envers les Facebook, comme mettons courir.ca ou bien les courailleuses. Il y a aussi d'autres groupes, les trailers. Puis je dis, venez, c'est vraiment la préférée de tous. Puis les premières courses aussi, ceux qui veulent commencer à courir, là, c'est la première course à venir ici. Oui, parce que je l'entends souvent, celle-là, parce que justement, la course, étant donné que c'est sur du plat, il n'y a pas de dénivellation, il n'y a pas de côte à monter, donc... Quelqu'un qui veut faire sa première course. Pour la première course, là, se faire encourager tout le long. Oui, aussi. Hein? C'est ça qui est le fun et agréable. Parce que c'est comme la course est faite comme en H. Puis ils se font encourager du début à la fin, à peu près. Là. Puis c'est le fun, surtout dans le milieu du H, dans ben, le coin. Hein. Carrément rendu c'est ici, là, carrément au coin de la 3e avenue, de la 12e rue. Puis, oui, comme tu le dis, là, les gens qui sont là pour nous encourager, puis tu sais, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Veux pas quelqu'un qui fait la course ce matin, ben, il se fait encourager par plein de monde qui ne connaît pas, là, carrément. Puis, il y a quelque chose aussi, la 3e avenue, c'est vivant, c'est le fun, il y a les commerces, il y a des gens qui sont là. Donc, c'est une course qui est là pour durer puis pour rester. Puis, je pense que toi, tu vas être là encore plusieurs années. Moi, en finissant la course, là, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas gros soleil, mais en finissant la course ici, là, des fois, c'est le fun aussi d'aller dans les dos de merde, comme la pizzeria. Il y avait la tortue, il y a tout. Aller prendre un petit thé, voilà. Frites à l'or, alors, prendre un thé. Alors, allez découvrir plein de commerces qu'on a ici sur la 3e avenue. C'est ça. Hey, tu serais bonne en publicité, ma chère Nancy. Ah, merci. Ben, merci beaucoup, Nancy Vézina. C'est très, très, très, très, très apprécié. Merci. Une bonne journée. Donc, je vous rappelle, vous êtes sur CKRL 89.1. C'est Sortie culturelle à la course Cité-Limoilou. 10h15, vous êtes toujours sur CKRL 89.1, c'est Sortie culturelle à la course Cité les Moileaux. Et j'en face de moi, j'aurais le goût de dire notre coloc, notre voisin dans l'édifice, David Bonneville de Namasté Yoga. Salut David. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Première question que j'ai envie de te poser, là, carrément, pourquoi le yoga avec la course? Oui, ben, en fait, le yoga est tellement complémentaire à la course. En fait, quand tu cours, je suis moi-même un coureur, donc quand on court, on sollicite toujours les mêmes muscles. On va aller chercher le psoas, on va aller chercher les fléchisseurs des hanches, on va travailler beaucoup au niveau des grands fessiers aussi. Puis le yoga, en fait, va aller permettre d'étirer justement les muscles qu'on a beaucoup sollicités. Donc, c'est vraiment complémentaire. Là, t'es bon vendeur, là. Un gars comme moi là, qui a eu un entorse lombaire il y a une couple d'années, là, tu serais en train de me dire, là, Dom, viens faire un tour, là. Viens nous voir chez Namasté. Hey, c'est exactement ce que je te dirais. Parce que moi-même, j'étais artiste de cirque avant. Okay. J'ai eu des hernies discales. Ah oui? Puis j'ai commencé, c'était des exercices de physio que j'avais, c'était des exercices de pilates. Okay. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, il y a quelques années, à être instructeur de pilates parce que je me suis rendu compte que moi-même, ça me guérissait et que je pouvais aider justement des gens à gagner un peu plus en stabilité au niveau lombaire, justement. Et là, ça se passe sur la 3e avenue ici. Ouais. On est au début de la 3e avenue. Je présume que c'est un naturel pour toi de te joindre à ça parce que, tu sais, veux pas tous les commerces. Nous, c'est KRL, on est impliqués. Fait que te faire connaître ton entreprise. Là. Oui, mais au point de vue commerçant, c'est vraiment ça. C'est vraiment parce que c'est mon quartier, c'est le quartier du commerce, tout ça. Mais je suis moi aussi un citoyen du quartier. Donc, de toute façon, je suis toujours impliqué dans c'est la un cause. C'est naturel pour toi. Ouais. Mais là, tu me dis, t'es artiste de cirque, t'es commerçant, mais ça... Est-ce que tu l'as déjà fait, cette course-là? Oui, absolument, je l'ai fait. En fait, là, ça fait 2 ans que je la cours pas okay. parce que le studio est impliqué puis je dois m'impliquer autrement. Okay. Mais habituellement, c'est une course que moi, je fais... Je présume que dans les années futures, on va peut-être te revoir. Oui, je fais d'autres courses en ce moment qui sont planifiées. Ah, OK. Mais oui, non, moi, j'ai fait le 10 km ici là, la dernière fois. David, un gros merci, mon cher. C'est très apprécié ta collaboration. Merci au à plaisir. Vous. Bye-bye. Excellent. Voilà, je vous rappelle, vous êtes toujours sur CKRL. C'est Sortie culturelle à la course Cité les Moileaux. We'll be right back.

Lundi soir, à compter de 20h, une édition spéciale d'Accès pouvoir avec au microphone Jean-François Artaud et Luc Ferland, où on va comme ça vous suivre pendant toute la soirée électorale à partir de 20h jusqu'à 23h ou à peu près, avec l'ensemble des résultats bien sûr, mais de façon plus particulière de ceux de la grande région de Québec. On a bien hâte de vous y retrouver. C'est un rendez-vous lundi à compter de 20h. Sortie culturelle. Cette émission vous est présentée dans le cadre de la course de la Cité Les Moilous, la course la plus urbaine à Québec. Une collaboration de la SDC Les Moilous, Défi.ca et CKRL. On est toujours à CKRL 89.1, c'est Sortie culturelle, émission spéciale Sortie culturelle à la course Cité Les Moilous. Puis là, j'ai devant moi une famille au complet qui est là. C'est vraiment générationnel, cette course-là. J'ai en face de moi Joseph, Catherine, Denis et Louis. On va commencer par Louis, celui qui est dans le milieu, dans la génération. Comment ça va, Louis? Ça va bien, merci. Est-ce que c'est la première année là, que vous faites ça en tant que famille, là, de courir ça, là, cette course Cité Les Moilous? Non, c'est la troisième année qu'on le fait. Okay. En famille, c'est la deuxième. En famille, c'est la deuxième, ouais. OK. Puis, c'était quoi le point de départ là, qui a fait que vous avez participé? C'est sûr que c'est une course qui est à Limoilou. Donc, okay. En demeurant ici, il y a le commerce alimentaire qui est sur la première avenue dans le quartier. Ça nous fait une visibilité, mais aussi, c'est un événement qui est le fun, qui est familial, qui est dans le quartier. Puis là, en parlant, je présume que vous avez été assez tannant, là, que Catherine puis Joseph, le garçon, ils ont dit « OK, c'est bon, on va embarquer finalement ». Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ben non, mais c'est ça, la première année, je l'ai fait, j'étais pas mal tout seul. Je pense que Denis était venu la première année avec moi. OK. Et puis là, l'année passée, le petit Henri était vraiment tout petit, mais les enfants avaient participé. Puis là, cette année, c'était avec enthousiasme encore cette année qu'ils venaient avec nous participer. Et là, j'ai un athlète qui ne l'a pas encore fait, Joseph, qui est en face de moi. Salut, Joseph. Salut. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu as hâte de faire cette course-là? Oui. Est-ce que papa t'a donné le goût? Oui. Tu t'es pratiqué beaucoup cette semaine? Oui. Tu sens en forme, là? Tu vas battre des records ce matin? Oui. Yes, parle-moi de ça. Et là, j'ai le paternel, le doyen de la famille qui j'ai sur place, Denis, qui est en pleine forme. Bonjour, Denis. Oui, bonjour. Et vous, ça fait, je présume, là, je regarde votre corps d'athlète, là, vous avez l'air en forme, là, ça fait plusieurs fois que vous en faites des marathons? Oui, c'est de famille, alors tout le monde, c'est l'émulation, tout le monde aime courir, s'entraîner. Louis et Catherine demeurent près de la rivière Saint-Charles et Léa fait péter les ballons. Bon, c'est correct, ça fait partie de l'ambiance. Et moi, je dois dire que j'ai une histoire avec les Moilous. Je suis allé à Saint-Jean-Eudes, okay. Au moment où c'était le collège classique. Oui, oui, oui. Ensuite, je suis allé au cégep. J'ai toujours travaillé au centre-ville. J'ai mon bureau encore sur la rue Carré-Lépine. Alors, oui. J'ai un attachement à Limoilou. Vous avez un attachement. Quand je vois Limoilou, je pense aux chansons de Sylvain Lelièvre. Ah, ben oui. Et avec un événement comme ça, aussi convivial, avec l'encouragement, alors on peut pas manquer un événement comme ça. Donc, je sais que c'est un mot qui revient des gens qu'on a jasé ce matin, l'attachement là, propre à Limoilou. Là. Puis surtout à la 3e Avenue, qui est dans le fond, qui est un artère principal, pas juste connu à Limoilou, mais je pense connu dans la région de Québec. Oui, 3e. Puis on peut aller jusqu'à la première. Il y a un excellent magasin d'aliments naturels, donc Alimentex, qui peut nous approvisionner. Pour aller chercher de l'énergie. Oui. Ben non, on en a parlé tantôt d'Alimentex avec Maple Tree, là, avec Béatrice. Là, donc, mais on parle du grand Limoilou. Oui. Ben, on peut peut-être faire une petite publicité, mon cher Louis, pour ce qui est d'Alimentex. Quel genre de commerce que c'est pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être qui nous écoutent ce matin, qui disent « Hey, c'est quoi ça, Alimentex? » Ben, Alimentex, c'est une épicerie d'aliments biologiques, okay. De produits naturels aussi. De plus en plus, les gens se tournent vers des solutions à base de plantes pour soigner certains petits bobos, certains problèmes chroniques. Il n'y a pas de solution dans la médecine conventionnelle. La première avenue, c'est une artère qui était commerciale à l'époque. Le magasin est ouvert depuis 1969. À l'époque où il y avait le cordonnier, il y avait tous les commerces étaient sur la première avenue. Tranquillement, il y a eu une migration sur la troisième avenue, mais le commerce est resté là. Puis je présume qu'une course comme ça ce matin, c'est un naturel pour vous. Puis tu sais, je présume que vous allez voir des futurs clients ou vous envoyez déjà des clients vous connaissez là, qui viennent acheter des choses chez vous. Ben oui, même en courant, il y a des clients qui m'encourageaient sur le bord du parcours, qui me reconnaissaient. C'est la vie de quartier, hein. Puis c'est vraiment un événement qui est le fun. Puis Alimentex essaie de s'impliquer dans des événements de course. On a fait le défi Gaïa au début du mois, qui est un événement aussi promotionnel pour l'organisation Village Monde. Oui, oui, oui. C'est pas il y a une course en canot, une course en vélo, puis une course à pied. Exactement. Hein? Je voulais la faire, cette course-là. C'était une course extraordinaire en plein air. Après ça, on a fait aussi Équiterre, qui avait lieu à Pointe-aux-Lièvres. Oui, C'est la première fois cette année. Équiterre avait fait une course vraiment écologique. Puis même, j'encouragerais l'organisation de la course de Limoilou de prendre exemple sur eux. Il n'y avait pas de déchets pratiquement, ni au point de vue des dossards, des puces électroniques, des breuvages qui étaient donnés, les petites collations. C'était tout écologique pour éviter les... C'était une course zéro déchet, en fait. Ah, bien, c'est bien, ça. Ben, mon cher Louis, merci infiniment. Puis là, oui, Joseph, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Moi, j'ai fait beaucoup de courses. Oui. Puis mon père, c'est le propriétaire d'Alimentex. Hey, c'est-tu de la belle publicité, ça? Tape là-dedans, mon cher. Yes. Ben merci infiniment de votre collaboration. C'est super gentil, puis c'est beau de voir une famille faire ça. Puis je vais aller faire un tour à votre commerce. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. Bonne journée. Bye-bye. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL. C'est Sortie culturelle à la course Cité les Moineaux. We'll be right back. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1. C'est l'émission spéciale sortie culturelle à la course Cité-Limoilou. Et en face de moi, j'ai un beau petit bonhomme de 6 ans et demi. C'est bien ça, hein, Antoine? T'as 6 ans? Ouais. Ouais. Et là, toi, tu fais la course. Ça fait combien de courses que tu fais? Ça fait combien d'années que tu le fais? 4 ans. 4 ans? Wow! Donc, t'as commencé à 3 ans et demi. Et t'es aussi un joueur de soccer. Ouais. Pourquoi t'aimes le soccer? Qu'est-ce que t'aimes dans le soccer qui fait que ça t'a dirigé vers la course? Je cours. Tu cours beaucoup? Ça te tient en forme? Est-ce que tu veux continuer ça pour les prochaines années, peut-être de donner le goût aux gens de, dans ta famille de faire des courses? Oui. Est-ce que tu es tout seul à faire ça? Non. Qui est avec toi? Maëlie. Maëlie? Est-ce que Maëlie veut venir parler? Ou est trop gênée ce matin? Fait que donc, tu vas courir, tu vas continuer à courir, puis je présume que toi, mais que tu aies des petits-enfants aussi, tu vas les inciter à faire de la course, c'est bien ça? Et là, il y a quelqu'un derrière de toi, je pense. C'est-tu pas mal ton inspiration pour la course, la personne qui est là? C'est mon père. C'est ton père? Est-ce que c'est papa qui t'a donné le goût à faire la course? Oui. Est-ce que tu voudrais peut-être l'inciter à faire la course plus tard? Avec toi? Ça fait 5 kilomètres. Ouais. C'est grâce à moi. Ah, c'est grâce à toi qui a fait la course. Wow! Bravo, félicitations, mon cher Antoine. Tape là-dedans. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur CKRL 89.1. C'est sortie culturelle à la course. C'était le Moilou. Vous êtes toujours en direct de CKRL 89.1. C'est l'émission spéciale sortie culturelle à la course Cité Limoilou. Et j'ai en face de moi trois étudiants athlètes, on va les appeler comme ça, d'une école, je vais vous surprendre, que je connais beaucoup, Saint-Charles-Garnier, parce que ma fille a fait du cheerleading. Donc, vous avez du cheerleading à Saint-Charles-Garnier, je vous apprends rien. Ouais. Et ouais. J'ai en face de moi Marie, Maëlle et Renaud. Bonjour, bonjour. Mesdames bonjour. Et messieurs, ça va bien? Oui. Le 10 km ce matin. Ouais. Wow! Ça vous tentait pas de commencer par le 5 km? On a dit non, on va faire le 10 km, nous autres, ce matin. On a déjà fait des distances qui se rapprochent du 10 km. Là. OK. 9,2, 8, 7, puis là, on s'est essayé un 10. OK. Puis à notre école, on participe à la course Terry Fox. OK. On ramasse de l'argent, puis on fait une course de 5 km. En octobre, c'est la semaine prochaine, je pense. OK, fait qu'il y a déjà des pratiques là, qui se font. Dans le fond, là, c'est pas une première pour vous. Là. C'est important. En plus, Terry Fox, vous savez qu'est-ce qu'il a fait. Là. Il a traversé le Canada. Là. Ouais. Donc, c'est très important. Et Marie, excuse-moi, on va laisser parler les dames aussi. Marie, comment ça t'est venu, l'idée de faire cette course-là, toi? Je l'ai vu passer sur Internet. Puis okay. Je me suis dit, pourquoi pas essayer un 10 km? Et là, est-ce que c'est ta première fois ce matin? Oui. Est-ce que tu as eu la piqûre? Quoi? Est-ce que tu as eu la piqûre que tu vas vouloir le refaire, faire d'autres courses peut-être? Là? Oui, je vais sûrement faire le 15 km la semaine prochaine. OK. Puis, c'est ça. Puis peut-être avec les courses comme exemple, les autres courses qu'il y a à Québec, exemple, Je cours Québec, là, les anciens marathons là, qu'on appelle maintenant Je cours Québec. Je présume que c'est des places aussi que ça vous tenterait peut-être d'aller faire ce genre de course-là. Oui, peut-être. C'est peut-être. Vraiment intéressant faire un 10 km ici. Moi aussi, c'était la première fois. OK. S'il y a une belle ambiance et tu vois les autres mondes qui courent, puis ça te donne envie de courir, même si des fois tu es un peu fatigué, puis tout ça. Puis je présume de se faire encourager par les gens aussi, les gens de Limoilou qui sont là. Oui, c'est très encourageant. C'est très encourageant, c'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres sports à part la course que vous pratiquez peut-être à votre école à Saint-Charles-Garnier? En fait, du frisbee. Moi, je fais aussi du soccer aussi. Fait que c'est complémentaire de faire ça finalement pour vous. Ouais. Là, quand tu vas arriver au soccer, le cardio est bon. Puis Ultimate Frisbee, qui est un nouveau sport aussi, qui est quand même très intéressant, puis ça demande beaucoup de cardio. Fait que je présume que c'est joindre l'utile à l'agréable, là, comme on dit. Là. Effectivement. Ben, merci à vous trois, puis continuez. Vous êtes, ma foi, la jeune fille de 18 ans là, qui n'a pas encore fait de course. Je pense que je vais l'inciter à en faire. Puis félicitations, vous trois. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'est ce qui termine cette émission sur CKRL. Je vous rappelle qu'on a parlé à plein de gens là, à la course Cité Limoilou. On a parlé des commerçants, on a parlé des coureurs, on a parlé des familles. Bref, j'espère que vous avez aimé cette émission. Mon nom est Dominique Girard. Moi, je vous dis peut-être à l'an prochain pour cette autre édition de sortie culturelle à la course Cité Limoilou. Je remercie, j'ai deux personnes à remercier. Premièrement, Mélanie Fleurant, qui est en studio présentement, qui nous a donné un coup de main pour la mise en ordre. Merci beaucoup, Mélanie. Et mon bon ami Simon Roy, qui est ici à côté de moi, la technique de chapeauter tout ça ce matin. Donc, merci à ces personnes-là. Et là, vous entendez justement, dans quelques instants, ça va être le début de la course du 2 km. Donc, vous êtes sur CKRL 89.1. Mevkinama Rashi Chetis. Me bashala vechi ishi pindre stabesh bashala. I me ke fushta sabale. Dua mangi pia mangi kaf. Dua mangi kaf. Ochare musime to. Ama sime ktabiati. Bizi truba našti. Znači, morate baš laviš, sabalite probina i trubate baš laviš. Znači, od ovoga svoj mangi truba ko srce. I truba mange dajda, dada. Aferi